Un jour, notre petite famille s'est embarquée du Brésil sur un transatlantique pour venir passer quelques mois de congé en Europe. Dans la salle à manger, nous avons remarqué un couple et nous avons eu immédiatement l'impression qu'il s'agissait de disciples de Jésus-Christ. Comment? Par leur modestie, leur manière, leur comportement. C'est cela la marque ou l'une des marques du disciple? Peut-être. Mais ce n'est pas de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Il est vrai qu'on peut aussi mettre un autocollant sur sa voiture, un badge sur les habits, ou même porter un t-shirt avec le nom de Jésus. L'habit peut faire le moine, mais il ne fait pas le disciple. Rassurez-vous donc, je ne parlerai d'aucune de ces choses extérieures. Je me bornerai à vous montrer quatre exemples de marques du vrai disciple. En tout premier lieu, le vrai disciple reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Maître, et il lui obéit. L'Apocalypse le nomme le Prince des rois de la terre, et le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. D'après un livre de Denis Pape, le Nouveau Testament se réfère à Jésus 16 fois comme sauveur, 64 fois comme maître et 650 fois comme seigneur. Seigneur? Certaines langues latines comme le portugais, l'espagnol et l'italien emploient pour dire seigneur le mot qui serait notre monsieur. Heureusement qu'en français, nous avons un mot distinct. Jésus disait à ses disciples: « Vous m'appelez maître et seigneur. » Et vous dites bien, car je le suis. Oui, cher auditeur, on ne peut être un vrai disciple sans accepter implicitement l'autorité du Seigneur des Seigneurs. Tout au début du ministère de Jésus-Christ, Pierre tomba à ses genoux et lui dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Et plus tard, porte-parole de ses condisciples, il dira: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Si Christ a pris la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, il l'a fait pour se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin de nous racheter de toute iniquité. Cependant, n'oubliez pas ce que l'apôtre a dit aux chrétiens de Philippe. Dieu l'a souverainement élevé. Elle lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cher auditeur, au cas où vous n'auriez pas encore fléchi les genoux devant lui, faites-le maintenant, spontanément, sinon, je dois vous le dire, vous serez contraint à le faire un jour. Et ce sera trop tard. Oui, nous parlons du Seigneur Jésus. Combien souvent on le déforme dans la musique, le chant ou même par un certain genre de prédication. Paul craignait qu'on prêche aux Corinthiens un autre Jésus. Nous prêchons Christ crucifié, mais aussi Christ glorifié, Christ le Seigneur, Christ le Roi des rois. Prouvez que vous êtes son disciple en lui obéissant. Notez que les disciples, malgré beaucoup de faiblesses, lui ont obéi. Pierre a lancé le filet de l'autre côté de la barque. Sur l'ordre de Jésus, deux autres disciples sont allés au village pour détacher l'ânesse et l'ânon. Et un autre jour, les disciples sont allés en ville et ont parlé au propriétaire de la chambre haute. Exemple banal et pourtant pas si banal que ça. Obéissons dans les petites comme dans les grandes choses. Une autre marque des vrais disciples, c'est qu'ils reconnaissent l'autorité de la parole. C'est Jésus-Christ lui-même qui rend ce témoignage aux siens. Dans une prière, il dit « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues, ils ont gardé ta parole. » La parole, ce sont autant les écrits de l'Ancien Testament que les paroles de Christ lui-même. Pour quelques-uns, la vie de disciple a d'ailleurs commencé avec cette déclaration. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. À la fin de son ministère terrestre, Jésus a insisté sur la parole écrite. Et Pierre, dans son premier sermon à la Pentecôte, en a fait abondamment usage. Quelques-uns de ces hommes deviendront à leur tour des écrivains sacrés. La prédication des apôtres était aussi la parole de Dieu, puisque Paul a dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Aujourd'hui, nous affirmons que la Bible est vraiment la parole inspirée de Dieu et que le Christ que nous prêchons est le Christ de la Bible et non celui d'une idéologie ou d'une philosophie. Ajoutons à cela cette recommandation de Jésus-Christ. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le troisième exemple de la marque du vrai disciple, c'est qu'il est dans ce monde sans être du monde. C'est le Seigneur lui-même qui a dit cela dans sa prière sacerdotale. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. » Ce point est névralgique. Que veut dire être dans le monde sans être du monde ? D'une part, le monde est notre univers, la terre habitée, le lieu où Christ est né, où la parole doit être prêchée et où le vrai disciple exerce son ministère de sel de la terre et de lumière du monde. D'autre part, ce mot « monde » se réfère clairement à un système opposé au principe divin, à une organisation ennemie de Dieu qui rejette Christ. Il peut même s'agir du monde religieux avec ses formes de piété. Ce monde-là, l'Écriture nous le déclare, est sous la puissance du malin. Il y a des autorités que le Nouveau Testament appelle les princes du monde des ténèbres. Les principes qui régissent ce monde sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Colosse, « Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Il y a un changement de camp, un changement de sphère. Rappelez-vous Lévi le publicain devenu Matthieu l'évangéliste. Le vrai disciple ne vit pas dans la dualité. Le Seigneur l'affirme, ils ne sont pas du monde. En Amazonie, j'ai visité un village d'Indiens Yanomami. J'ai vu leur maison communale, leur travail, etc. Le couple de missionnaires brésiliens qui, en vrai disciples, ont répondu à l'appel de faire à leur tour de toutes les nations des disciples, étaient là, prêchant la bonne nouvelle à toute créature. L'entretien avec eux m'a démontré ceci. Les Indiens, se disant chrétiens en ce lieu, en pleine jungle, sans lieu de spectacle, sans masse média, sans tous ceux que l'on peut trouver dans nos grandes villes, sont autant en danger que nous de vivre dans la dualité, c'est-à-dire en coexistence avec les choses qui sont sous la domination de Satan, le prince de ce monde. Ce qui manquait chez la plupart était une définition claire, une identification nette avec leur Seigneur et Maître. Sommes-nous de vrais disciples ? Avons-nous cette marque, être dans ce monde sans être du monde ? En conclusion, voici la marque par excellence. C'est aussi le Seigneur qui la mentionne sans ambiguïté. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimer le condisciple ne signifie pas qu'on soit d'accord avec tout. Et d'ailleurs, cela ne concerne que ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu dans leur vie. Et c'est cette grâce de Dieu qui nous rend capables d'aimer l'autre. Soyons plus exigeants envers nous-mêmes et plus indulgents envers les condisciples. Arrêtons de chercher la paille dans l'œil de notre frère. Je n'ai mentionné que quatre marques, mais combien importantes. Chers auditeurs, possédez-vous ces marques? Est-ce que Christ est vraiment le Seigneur de votre vie? Le prouvez-vous par votre obéissance? Est-ce que la parole de Dieu, écrite, inspirée de Dieu, est votre règle de foi et de conduite? Est-ce que vivant sur notre planète, vous vivez dissocié du système et des principes de la domination de Satan? Est-ce que vous aimez vos frères dans la foi, vos condisciples? Que Dieu vous accorde cette grâce, que Dieu vous permette de devenir de vrais disciples si vous ne l'êtes pas encore. Et si vous l'êtes, persévérez dans cette voie et demandez chaque jour à Dieu son secours afin de marcher d'une manière digne de lui.